feux sont en forme de flèche. Ils permettent de gérer le passage des véhicules en fonction des directions qu'ils prennent. J'ai face à moi une flèche verte qui m'autorise à tourner à gauche. Dans ce cas, je n'aurai pas à céder le passage en face, puisque les voitures sont obligatoirement et logiquement arrêtées à un feu rouge. Réponse B.